la route est vide et je m'ennuie. J'ai perdu mes amours et ma jeunesse et mes amis. Ma fenêtre s'ouvre sur un jour tout gris. Je n'ai rien d'autre à faire qu'attendre la nuit, attendre que vienne encore l'heure de chanter. Autres vivent et parfois m'envient, moi qui ne fais que semblant de ma vie, et j'ai tout laissé pour ça qui ne m'aime pas. Mes 20 ans, la route est vide et je m'ennuie. J'ai perdu mes amours et ma jeunesse et mes amis et mes amis.